Mucho. De l'or sur le torse, le trophée on le prend de force. Oui. J'suis genre de frère présent pour toi si les chances se corsent. Bah oui. Rockstar comme Jimmy, un week-end j'fais plus de Jimmy. Veni, vini, vici, tout en buvant j'suis le litchi. J'ne fais aucun vœu, j'fais ce que j'veux, j'fais pas la queue. No, no. Elle veut plus qu'un selfie, mais j'donne mon cœur qu'à une seule fille. Haut de gamme sur mes puces, hein. Les gens nous regardent mes puces là. Moi j'suis dans mes vers, me porter l'œil pour pas me faire ça. Ah. Y'en aura jamais assez, ramassé, encaissé. Trop bien de 500 sous le siège de mon GLC. Pour les miens je milite, oui. Tu cherches en tu milites. En route vers le mili, ah. Pour l'instant c'est easy. Ok ok, ah. Ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok. Quand je raconte ma vie, ils disent que je suis arrogant. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais pas que je plaisais autant. Oh merde! Pas le même angle de vue quand tu vois si je vois neuf. Oh, demande à mon rêve, pas d'occasion, tout est neuf. Bah oui! Moi je n'oublie rien. Non. Pourquoi tu reviens? Quoi? Voilà mon doigt, tiens. Sûr. Merci du soutien. Bye bye. Police me contrôle, je suis en règle, je trouve ça drôle. Ha! Perdu ça chaque année, négro, c'est mon putain de rôle. Ma plus belle réussite, je te dirais que c'est ma fille. Baby! J'étais le bando, j'suis dans la ville, ma benzo. Ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok, ok ok